Il est long le trajet que l'on suit, que l'on fait, tout empreint de mémoire, de souvenirs, des faits. Au grand fil de la vie, à chaque instant discret, des racines à la cime, du noyau jusqu'au fruit. Qu'il est long le trajet que l'on suit, que l'on fait, d'hier à maintenant. Je ne compte plus les pas, encore moins le frimas qui s'empare de mon âme, de mes mains à la fois, comme si elles avaient froid. Qu'il est long le trajet, qu'il est long le trajet, que l'on fuit, que l'on perd. Où allons-nous vraiment? Laisse-moi. Sommeil à l'éveil, des choses qui nous déçoivent, à celles qui émerveillent, des pertes découvertes, jusqu'aux pires douleurs, des peurs à la confiance, des victoires aux erreurs. Il est long le trajet que l'on fuit, que l'on fait. Où allons-nous vraiment? Laisse-moi où le temps, qu'il est long de trajet. Qu'il est long le trajet que l'on suit, que l'on fait. Qu'il est long le trajet.